un air assassin. On n'est pas des poupées. Ismaël, tu vaincras. Pour la gauche unité. Lycéens au combat. Avortons librement. Nous sommes tous des juifs allemands. Des juifs allemands. Lycéens au combat, apportons librement. Le fascisme ne passera pas.